un antiquaire attardé, des duels à l'épée, il ne doit en rester qu'un. Cette semaine, on a maté Highlander et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Un tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un broquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée à Highlander de Russell Mulcahy. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Greg. Bonsoir Greg. Bonsoir. Ça va Greg? Ça va. T'as passé un bon moment Greg? Ouais, j'ai cru que j'allais passer un bon moment au début, je me suis dit ah ouais ça va être trop bien. C'est parce qu'il y a du 90. Catch. Tu aimes le catch? Ouais, j'adore le catch. Mais en fait c'était pas génial hein, quand même. À tes côtés Barbara, bonsoir Barbara. Bonsoir Antoine, bonsoir les garçons. Comment vas-tu Barbara? Ça va bien. Ce film, qu'en as-tu pensé? Alors, je l'ai regardé en me réveillant, et ben, j'ai failli m'endormir 4 fois. Et enfin, à tes côtés, Mickaël. Bonsoir, Mickaël. Bonsoir. Je crois que j'ai foiré le rire de Christophe Lambert. Tu fais pas très bien. Hein. Je fais pas bien. Ça va, Mickaël? Ça va. Tu es immortel. Je me sens complètement immortel. On va tenter de garder la tête sur les épaules ce soir. Oh, oh là là. Cette semaine, on parle de Highlander de Russell Mulcahy, film sorti en 1986 de 116 minutes avec Christophe Lambert, Roxanne Hart, Clancy Brown et Sean Connery. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Venu d'une autre époque, surgit un homme tout puissant. T'as une drôle de façon de parler, d'où tu viens? Plein d'endroits différents. Un guerrier d'une force incroyable. Tu as le diable en toi. Pendant plus de 20 ans, on a été comme frère. Conrad MacLeod était mon parent, c'est vrai. Mais toi, je ne sais pas qui tu es. Parce que tu es venu au monde différent. Les hommes te craindront. Ok, donc... Highlander, moi je l'avais jamais vu. Ouais. J'avais des vrais gros a priori hein, quand même avant de commencer ce film. Et ben franchement, étrangement, je me suis jamais autant fait chier pour un film. C'était un peu, ouais, c'était un peu gonflé. Ah mais c'est un des, non mais je suis né en 1986 et c'est, je pense que c'est la pire chose qui a été produite cette année-là. C'est, ouais, il y en a deux hein, quand même. Ah, de Sinon 86. C'était infernal. C'est pas quoi. Tchernobyl aussi quand même. Bah, si. Ah mais ça doit être lié hein. Franchement là. Et moi j'étais fan de la série Highlander. Ouais. Dans les années 90 quoi. Et, ouais. Et là je me suis dit, mais comment j'ai fait? Alors, si c'est du même acabit. Moi dans mes souvenirs je confonds la série Highlander avec la série Le Rebelle, mais je crois que c'est. Ouais parce que le mec avait il avait les cheveux très longs. Oui c'est vrai. Et je confonds avec Arabesque. Eh ben moi, je vais quand même calmer vos ardeurs un petit coup, parce que moi, j'ai aimé Highlander. C'est vrai? Ouais, oui, j'ai aimé Highlander. T'as aimé non. Parce que c'est, t'as ironiquement non. Aimé, parce que. Non, j'ai t'avais pris ça. Des vitamines en fait... avant, hein. Non, mais en fait, j'ai pas pu m'empêcher de me dire à certains moments, putain, qu'est-ce que c'est con, surtout quand il y a le méchant, quoi. C'est surtout le méchant qui est très con. Ouais, le méchant. Mais en même temps, j'ai quand même pris du plaisir à regarder. Moi, j'aime bien l'atmosphère. Un moi, peu... j'ai l'impression que c'est le méchant qui a réalisé le film. Ça fait, c'est pas possible, c'est. Mais en fait, moi, l'atmosphère urbaine de ce film, ça me fait vachement penser à l'atmosphère qu'il y a dans Terminator ou New York 97. Bon, c'est nettement beaucoup moins bien, mais j'aime bien un peu cet univers années 80. Pour moi, c'est vraiment le film du pourquoi. C'est-à-dire que tu ne comprends rien. C'est-à-dire que tout ce qui se passe n'a aucune explication. Et moi, en fait, dans mes fiches, toutes les deux phrases, j'ai marqué « Mais pourquoi ?» Pourquoi ?» Moi aussi. Déjà, moi, ça commence tout de suite. Déjà, pourquoi Queen s'occupe de la bande originale? En plus, la bande originale est très bien. Enfin, moi, j'adore Queen. Par contre, ça leur a coûté vraiment cher parce qu'en fait, après avoir payé Queen pour le générique de début, ils ont vraiment fait un générique de merde avec une police Word Art. Ils n'avaient plus un rond pour ça. Ça ressemble à Free. Bah, moi, j'aime bien Queen et je trouve que pour le coup, je sais pas, l'album qui a été fait pour le film est pas dingue. Ah bon. Non, mais c'est parce qu'ils ont fait du. Enfin, moi, je trouve ça relativement très moche. Non, bon. Donc, le film s'ouvre sur un duel à l'épée au Madison, dans le parking hein, du Madison Square Garden. Ouais. Donc, il y a un match de catch. Donc, au début, tu te dis, tiens, il va un film sur le catch. D'ailleurs, ah bah oui. Bah, je me suis dit, déjà, ça va pas être un film d'auteur, un film qui commence par du catch. Mais il y a quand même, je sais pas si vous avez remarqué, il y a quand même le premier rôle de Maurice Barthélémy de Robin des Bois avec une perruque blonde. Bon, il était musclé à l'époque, mais c'était. Fais gaffe. Moi, je me suis mis un peu à la place de Christophe Lambert. Je me suis dit, putain, j'ai traversé 5 siècles et là, je me retrouve dans un match de catch de merde, franchement. Mais en plus, non, il a l'air de. Enfin, tu sais pas pourquoi il est là. Il a pas, il kiffe pas le match, il s'en va au milieu, enfin il y a aucun. Mais surtout, intérêt, on ne comprend rien. Alors après, on va revenir sur les différents duels dans le film. Est-ce que c'est un premier pourquoi? Mais je pense que c'est un premier pourquoi. Mais tu vois, il y a pas d'agenda, il y a pas un système, il y a pas un forum sur Internet pour les immortels. Tu vois, on se retrouve là. Ouais. Genre, ils se sont sentis tous les deux. Ouais, on va aller au parking pendant le match de catch. Bon, écoute, on prend un dernier bon moment parce qu'on sait qu'il y en a un qui va crever. On regarde le catch et puis après, il y en a un qui meurt, quoi. Ok, ça roule. Donc là, ils retrouvent le sosie d'Étienne Moujotte. Dans le parking. Même si la baston est vraiment nulle, il se bat pas si mal, hein. On peut dire oh ça. Oh non, hein. Arrête, c'est une bataille de Power Rangers, ça. Oui, mais je veux dire pour Étienne Moujotte, quoi. Je m'attendais. Ah oui, d'accord. Mais en fait, déjà, tu vois, au début du film, tu te dis bon, c'est un film, il va y avoir des bastons à l'épée et tout. Je pense qu'il y a plusieurs façons de traiter des bastons à l'épée. Et ça, je pense que c'est la pire des façons. C'est-à-dire, on a l'impression qu'ils ne savent pas se battre, qu'ils agitent des énormes épées en polystyrène. Bah c'est le cas. Ils font éclater des claques d'oie, des clés d'épée, tout un truc. Quoi. Par contre, c'est des super épées télescopiques parce qu'il sort de sa poche. On se demande où il la sort l'épée, quoi. Oui, oui, c'est et ça. Puis, comment il rentre au Madison Square Garden avec ça? C'est vrai. Ouais. Non, mais à la limite, avec ton impair, ça peut aller, tu sais, quand t'es debout, mais quand tu t'assois pendant le catch, tu la mets où ton épée, quoi? Genre, tu sais, elle te rentre dans le dos. Oh putain, l'épée, merde. Bah, le mec qui est devant lui est mort, je sais pas si t'as vu. Il est dans le dos. Le siège B27. Et alors là, c'est la baston. C'est-à-dire que l'épée touche un truc, le truc explose. Enfin, les bagnoles, là, ça fait des feux d'artifice dans tous les sens. Il y a un gros budget artifice, mais juste pour les combats à l'épée. Ouais, ça c'est pareil, tu vois. Queen, générique, et puis artifice versus sound design. Parce que tout le long du film, le son est vraiment nul, quoi. Même sur les voix, sur les effets des voix, c'est vraiment... Mais c'est hallucinant, il a aucune patate, enfin, tout est catastrophique. Quoi. Non, ça va pas, hein, malheureusement. Et donc, Par contre, moi, ce qui m'a un petit peu interpellé, c'est sa tenue vestimentaire, qui me rappelle vraiment celui de Reese dans Terminator, quoi. Il est exactement sapé pareil. Bon, après, c'est à peu près les mêmes années, hein, parce que Terminator 1, il est sorti à peu près en même année. C'est qui, Reese? C'est le mec qui protège Sarah Connor, tu sais. Il a un long manteau, pareil, avec des baskets. Ouais, le trench basket, là. Bon, ça vous fait pas trop réagir, visiblement, moi. J'ai pas vu Terminator 1 non plus. Si, mais bah, je me rappelle en même temps, des trench baskets, t'en rencontres sur le carnet de Saint-Martin. Oui, ça fait un moment. Il y a plein d'Highlander partout. Et donc là, on a ce fameux moment, donc il lui coupe la tête. Et alors là, va se produire quelque chose d'un peu différent quand même quand tu coupes la tête du gars. Alors, bah déjà, ça lui donne un orgasme, visiblement. Qui s'appelle en français accélération, parce que moi j'ai maté les deux versions. Alors, ah oui, tu d'accord. Et en anglais, le quickening. Tu veux dire la même chose. Greg, tu l'as regardé deux fois? Non, disons que j'ai regardé 20 minutes en français, après 20 minutes en anglais, 20 minutes en français. Sauf qu'il s'est endormi 40 minutes. Mais en fait, pendant le film, il y a plusieurs moments où on va voir des têtes coupées et ce qui se passe à ce moment-là. À chaque fois, ça va faire quelque chose de différent. Tu vois, ils vont pas garder un effet. Donc là, dans le parking, c'est plus des éclairs un peu au sol. Ouais. Et des bagnoles qui vont vraiment s'exciter, quoi. Ouais. Ah bah elles vont s'allumer, ouais. Elles vont toutes caler en boucle là, avec les phares qui vont exploser. Elles avancent un petit peu, quoi. Ils avaient tous mis une vitesse pour parquer en parking. Et donc, moi j'ai déjà écrit un premier n'importe quoi. Toi t'as écrit les pourquoi, moi j'écris les n'importe quoi. Ouais. Là j'en avais écrit en énorme, mais que se passe-t-il? Bah c'est le quickening, mec. Alors on peut faire un point quickening d'ailleurs. À quoi sert le quickening? Si ce n'est à rien, puisqu'il n'est pas plus fort qu'avant, il ne va pas plus vite, il n'a pas de super pouvoir. Dans la série, ils sont un peu. Il me semble que c'est mieux expliqué, c'est que tu t'appropries le pouvoir du gars. Là, il n'explique pas du tout, quoi. Mais c'est pas le pouvoir, sachant que tu prends sa force. Tu prends sa force. Oui, mais ils n'ont pas des super pouvoirs. De toute façon, il y a aucun moment, ils soulèvent des pages. On va pas commencer à faire des pourquoi tout le temps. Tu prends sa force. T'as raison, c'est pas le sujet de l'émission de vous expliquer. Et là, donc là, moi, je suis très content, on est en 1536. Ah ouais. Donc, ah oui, ce qu'il appelle un vrai flashback. Hein. Là, t'as Christophe Lambert, donc tu te rends compte qu'il est écossais. Parce qu'il a un kilt. Hein, parce qu'il a un kilt sur les hauteurs. Donc on va en parler plus tard des erreurs de casting, parce qu'après il y a Sean Connery qui est censé être espagnol, égyptien. Pourquoi un français fait un écossais et pourquoi l'écossais fait l'espagnol, quoi. Ouais. Et ce qui est marrant en plus, c'est que dans la VO, en 1500, Christophe Lambert, il roule les airs, tu sais, à l'écossaise. Et après, quand il est à New York, 500 ans après, il a paumé son accent parce qu'il est un petit peu monté dans les grades, quoi. Ouais. Bah, et surtout, oui, il a passé du temps. Pourquoi les États-Unis d'ailleurs? Est-ce qu'on répond à ça? Ça c'est un pourquoi que j'ai mis aussi. Okay. Et surtout pourquoi en 1985, tu sais, ils auraient pu régler les bails bien plus tôt. Bah voilà, exactement, c'est marrant parce qu'ils ont des siècles et des siècles pour s'affronter, mais ils s'affrontent tous en 3 jours. Ouais. Donc là, moi j'ai pas grand chose à dire si ce n'est que le décor est assez triste, hein, quand même en Écosse. Bah c'est quand même l'introduction du. Il y a des beaux paysages. Non, c'est joli. Mais c'est vraiment carton. Mais il n'y avait pas beaucoup d'argent, quoi. Il y a la scène de bataille à la Brevard. Donc il y a l'introduction du méchant, comment il s'appelle, Krugan. Ouais. Moi je sais pas, je me trompe. Alors, là, je dis Kruger. Victor Kruger. Le la... Kraken, ou je sais pas. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas non, dit que j'avais, j'avais emprunté le DVD à la bibliothèque. Ah bon ah, oui. Alors là, j'ai fait attention, hein. J'ai fait attention parce que comme je savais que le bibliothécaire, il se pose tout le temps, du coup, j'ai emprunté Brevard. Il y avait bien Highlander dedans. Hein. Bah, je sais pas si t'as remarqué, mais c'est Brevard, sauf qu'au lieu d'avoir 600 figurants, ils en ont 7. Ouais, ouais. Et que par terre, il y a des peluches en guise de cadavre. Et que pendant la baston à l'épée, les mecs sont hyper mous avec des épées. Et en plein milieu, t'as des mecs qui font de la cornemuse. Ouais, alors moi j'ai fait un arrêt sur image, il y a un stand de frites. Bah, bah, bah, bah. Ils l'ont tourné pendant un concours de lancer de tronc en Écosse. Mais ceci dit, heureusement qu'il y a la cornemuse, parce que vu qu'il n'y a aucun son d'épée, tu vois, ça couvre un petit peu. Parce que franchement, ça, c'est rare que le son il soit mauvais dans les films, mais là, ça fait vraiment plonger la bataille. Quoi, tu vois, ouais. C'est genre, les mecs, il y a le gros bazar et tout, et t'entends rien, quoi, à part la cornemuse. Bon, bref. Et donc, par contre, Krugan, je sais pas si vous avez remarqué, il a un crâne de vélociraptor sur, le, ouais. Sur la tête. Ouais. Bah, lui, ça fait longtemps hein, qu'il est terroriste, n'importe quoi. Qu'il est mortel. Ouais. Oui. Bah, c'est pour ça qu'il. Parce qu'en fait, on précise pas parce que là. Mais non, il le sait pas. Il le sait probablement pas. Tu sais pourquoi il le sait probablement pas? Parce qu'il décapite pas Christophe Lambert. Mais si, il le veut. Mais oui, il le sait. Tu sais pourquoi il le sait? Parce qu'il. Pourquoi il le tue pas alors? Pourquoi il sait pas que c'est un immortel? Mais oui. Mais attends. Mais non, parce qu'il sait que c'est un immortel parce qu'il le cherchait, parce qu'il fait c'est toi que je cherche, MacLeod oui, et tout. Parce que personne ouais. Veut se battre. Là, le pourquoi, il est sur pourquoi, il lui a pas coupé sa putain de tête. Parce qu'il sait que c'est un immortel. Non, mais alors c'est surtout mais pourquoi. Parce qu'il y a des gens qui sont venus pour aider Christophe Lambert. Non, je pense que lui, il s'en fout, il pourrait tuer tout le monde, il est immortel. Non, mais d'ailleurs, Christophe Lambert ne sait pas. Le vrai pourquoi, c'est comment il retrouve Christophe Lambert et pourquoi il sait que c'est un immortel en fait. Non, il est attiré par lui parce que. Non, le vrai pourquoi, c'est pourquoi on a fait ce film. Et pourquoi on l'a regardé? Ça, c'est le vrai pourquoi. Ah, ça, c'est le vrai, vrai pourquoi. Mais non, il est attiré par lui, c'est le pouvoir des immortels. Et de toute façon, après, quand il rencontre Sean Connery, ou plutôt, excuse-moi, Juan Sanchez. Il est habillé comme de sa beauté, quoi. Il lui dit, on se retrouve enfin. Tu sais, genre, ils se connaissent depuis longtemps, quoi. Bah, ça, c'est un autre pourquoi que je garde pour après. Donc, ouais, la question, c'est pourquoi il lui coupe pas la tête? Donc, il le plante, que ça suffit. Alors, ce qui est marrant, c'est quand il le plante la première fois, il meurt quand même pendant 2 jours. Ouais. Après, il meurt moins longtemps, quoi. Après, tu meurs moins longtemps, mais ça, c'est toujours la première fois. Alors, ça fait toujours ça, la première fois. Alors, j'ai un autre pourquoi global. Hein. En fait, les mecs, ça fait 500 ans qu'ils se plantent, qu'ils font des bastons, ils se font des fois couper la tête, l'autre, ils ont pas une cicatrice au bout de 500 ans, quoi. Si, Krugan, il a un vilain bobo, quand même. Oui, mais c'est le seul, je veux dire. Tu vois, Christophe Lambert, à un moment, tu le vois se faire transpercer. Non, mais il s'explique pas, tu vois, il est immortel, genre potentiellement, qu'est-ce qui se passe si on te coupe le bras, tu vois. Il était immortellement chaud. Ah, ça va être chaud hein, pour couper la tête des autres. Immortellement chaud. Donc ouais. Ensuite, back to 1986. Ouais. Et là, il y a la police qui fait son boulot, quoi. Hein. Donc, ouais. Il trouve l'épée, il y a l'interrogatoire. Ah oui, l'interrogatoire. D'ailleurs, on l'a trouvé, je sais pas si vous avez noté, on l'a trouvé pire que le croc-hawaï. Le flic, il demande un sandwich cerise-fromage. Dans la Globalement, je crois que c'est plus cool d'être un Highlander en 1500 qu'en 1986, parce que si tu te fais choper par les flics, tu restes immortellement dans ta cellule jusqu'à la fin de ta vie. Quoi. Donc, ça doit être un peu merde. Surtout qu'il y a des caméras, des enquêtes et tout à l'époque. Bah, il était condamné à 50 ans, mais il a plus 725 ans. Mais c'est trop bizarre, l'arrestation des flics, machin. Mais surtout, il n'a aucun ami, il connaît personne, il est en déroute totale et il sort du commissariat comme ça, quoi. Ouais, mais le mec, c'est clairement le suspect numéro 1. Il l'a foutu où, sa putain d'épée? Bah. Là, tu t'as créé un blanc, là. Personne ne sait. Un pourquoi? Encore un pourquoi. Alors après, insulte homosexuelle avec le flic. J'ai pas bien compris. Insulte homosexuelle? Ouais, il y a le flic qui va le voir et qui fait sale pédé! Je suis un pédé! Non, mais genre, ça sort complètement de nulle part, tu vois. Ouais. Ouais. Il faut préciser aussi que c'est Christophe Lambert qui se double lui-même dans la VF. Oui, c'est très agréable. Bah, heureusement, hein. Ouais. C'est du bon boulot. Et alors, pas de bol ou plutôt bol extraordinaire, encore un pourquoi si on veut, il faut savoir que la médecin légiste est passionnée des épées d'êtres immortels depuis la nuit des temps, qu'elle les connaît toutes. Elle a écrit un livre d'ailleurs là-dessus. Pas mal. Ouais. On retrouve le Kraken, hein. Enfin il s'appelle pas Kraken, mais Kruger, je crois. On retrouve Kruger. Il va dans une piole d'hôtel et il sort son épée qui fait tourner comme ça. Ouais. Il l'a fait tourner parce que bon, il la connaît pas bien, ça fait que 1500 ans qu'il l'essaye, tu vois. Non, surtout, il fait... non, c'est une épée en kit en surtout, plus. Ouais, c'est un kit, mais c'est très trop appliqué, ouais. Hein, c'est pas très cher. Il fait des tricks à l'épée qui n'ont aucun intérêt au combat. Tu sais, sur ces limites, des trucs, tu sais, comme quand tu fais tourner le ballon de basket dans ton épaule, tu vois. Il a fait la même chose. Et il a un problème avec l'héroïne aussi. Ouais, on dirait. Hein. Oui. Et il y a un truc, alors encore un pourquoi, mais Christophe Lambert, donc comme il est immortel depuis la nuit des temps, il a un espèce de loft de 1550 mètres carrés, il est antiquaire et il possède à peu près tous les artefacts connus sur cette terre. Mais il fait tous les vide-greniers de New York, hein. je peux dire qu'il fait les affaires, le mec. Hein. En fait, c'est un hipster de dingue, tu sais, il retape tout, il a ses baskets. Et par contre, Kruger, lui, en 1000 ans, il n'a pas réussi à foutre un rond de côté. Il n'a rien épargné, cet abruti. Il dort dans un hôtel de merde. En plus, le mec, il débarque, il a une cicatrice énorme autour du cou. Mais le gérant de l'hôtel, ça ne le fait pas flipper. Parce qu'au mieux, c'est un croupier, au pire, c'est un tueur sanguinaire. Et bah, il va quand même se taper Candy. Alors la scène qui n'a pas de sens, ou pas d'intérêt, encore un pourquoi si on veut. Mais non, parce que quand il arrive à l'hôtel, il a quand même une belle liasse de billets où le tenancier lui dit si tu veux, je te ramène des filles, machin. Et en fait, s'il lui demande pas, il y a une meuf qui arrive. Quoi. On a l'impression qu'il va la manger d'ailleurs. Quand il arrive, t'es un croquet. Ah, ceci dit, il est pas rassurant. Il fait un peu flipper. Et là, après, j'ai pensé à toi, Greg. Merci. Moi aussi, parce qu'on est dans un bar américain. Ouais, c'est vrai. C'est quand la flic débarque. Ouais. Et qu'il y a Christophe Lambert. Tu lui demandes si elle va souvent au Madison Square Garden. Déjà, je me disais, ok, mais la fille, elle s'envoie un ballon de cognac. Ouais. Hein. Tu prends ça avant de dormir, tu dors pas, quoi. C'est-à-dire que. Elle était un peu remuée, la pauvre. Et moi, j'aimerais savoir aussi pourquoi elle est irrésistiblement attirée par un antiquaire trisomique hyper douche avec un bouton et des baskets. Non, il n'est pas encore débile, on n'a pas vu encore qu'il était débile. Regard bovin déjà. Ouais, mais... Il est moins débile en 87. Au bout de 500 ans, il a eu le temps d'évoluer un petit peu. Du coup, il fait moins les rires débiles comme ça. Là. Mais d'ailleurs, ce qui est marrant. Il a quand même un visage un peu typé, tu vois. Il fait un peu peur quand même. C'est moi, déjà, d'une, j'ai trouvé assez beau Christophe Lambert. Ouais. Je m'attendais pas à ce qu'il soit. Non, il a de l'allure. Hein. Ouais, il est beau, il est plutôt beau quand même. Par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est à partir de quand. Tu arrêtes de vieillir physiquement quand t'es un immortel. Oui, parce que Sean Connery, ça arrête un peu tard. Sean Connery, il est deck. Ouais. Il aurait pu, Highlander aurait pu avoir 10 ans, en fait, finalement, toute seule. Putain, t'as de la chance. Toi, t'es arrêté de grandir, de vieillir jeune, parce que moi, je suis déjà chaud, mais ça s'est toujours pas arrêté. Le mec, il devient Highlander à 3 mois, tu sais. Bon, on sait pas trop quoi faire avec le bébé, mais... On a bien essayé de le noyer, mais il se passe rien, donc il est dans la chambre. Tu peux y aller, on a arrêté de le nourrir. Hein. On fait des économies, au moins. Donc là, elle décide de le suivre, on ne sait pas trop pourquoi. Et elle le suit donc dans New York, et New York se transforme directement dans un décor de New York, de Escape from New York d'ailleurs. Mmh. Ils sont dans une usine de goudron, tu sais, en plein milieu de New York, avec des flammes, des trucs. Et là, il se fait attaquer par Krugan en pleine rue, comme ça. Ouais. Mmh. Ouais. Et comment ça va se passer, le combat? Quelqu'un l'a vu? Bah, ils vont être interrompus, c'est ça? Moi, là, pour le coup, tu vois, Kruger, qui était hyper agile... Non, Kruger, c'est Freddy. Non, Freddy. Kraken, c'est pas grave. Dès qu'il y a un cas, ça sera validé. Hein. Le monstre d'Einstein. Quand il était dans sa chambre d'hôtel, il était hyper agile avec son épée. Et là, son épée, elle fait 2 tonnes, quoi. Bah ouais, parce qu'il a mis tout ce qu'il y avait dans le kit. Moi j'ai juste mis baston avec le gros méchant, flèche, bien nul. Voilà. Ouais, c'est toi qui as rédigé les commentaires sur le DVD, les ajouts. il faut savoir pour les gens qui n'ont pas vu le film que c'est vraiment nul les combats. Vraiment, vraiment nul. C'est quoi. Vrai, c'est vraiment franchement, j'ai préféré les scènes d'avion de Top Gun. C'est vraiment. Moi, je comprends. Elles sont cool, les scènes d'avion de Top Gun. C'est infernal. Et là, il y a un hélicoptère qui arrive. Tu dis que j'ai quand même réussi à m'endormir pendant des scènes de combat, quoi. De Top Gun? Mais non. Highlander. C'est moi. Non, mais je peux comprendre. J'ai hurlé de rire. Il y a un hélicoptère de flic, pareil, qui sort de nulle part. De nulle part, genre, ouais. Oh là là. Attendez, il y a des mecs qui se battent à l'été dans l'usine de goudron. Ok, on envoie une patrouille par hélicoptère. Les mecs débarquent, ils les pointent au truc de flash, là, la lumière, et ils font. Jetez vos épées! Tu sais, genre, c'est normal, super classique. Tout le monde se bat à l'épée à New York en ce moment, en 80. Puis surtout, après, ils se barrent. Tu sais, il doit être 17h, je pense que c'était la journée finissait, puis du coup, ils s'en vont, on les voit plus, les filles. On les fait plus chier, quoi. Par contre, je préfère vous dire tout de suite, toutes ces incohérences m'empêcheront pas d'aimer ce film, hein, parce que j'ai vraiment passé un bon moment. Ah oui? Ouais, d'accord, bon, c'est pas grave. Ouais. Et là, la Brenda, parce qu'elle s'appelle Brenda, la médecin légiste passionnée d'épée, elle va tout de suite voir Christophe Lambert. Mais de nulle part, elle lui pose un milliard de questions. Mais qu'est-ce que c'est Highlander? Pourquoi vous avez Highlander? Pourquoi vous êtes immortel? Je comprends pas. Bah, elle dit ça. Mais elle sait qu'il est immortel encore. Non, mais elle commence à lui poser un million de questions, tu vois. Alors, je sais pas, qu'est-ce que tu fais là et pourquoi tu flippes pas en fait Oui. Bon. Retour en 1536. Et là, du coup, il va ressusciter parce qu'il s'est fait tuer. Donc, pendant cette petite bataille, il s'est fait planter. C'est l'arrivée de contre Kraka. De et du coup, il est. Je pense que c'est pas mal, Kraka. Il y a un petit côté Jeanne d'Arc parce qu'on va le brûler, parce que du coup, son village, c'est un peu décutéreux quand même. Brûlé vif. Ouais, mais ils se donnent tous rendez-vous à la taverne, hein. T'as remarqué, hein. On est en plein après-midi. Hein. Bah, c'est le point de ralliement, c'est la taverne. Et lui, ouais. Il sort tranquille d'une petite porte, et là, ils font putain, mais t'es en vie. Il arrive un peu. Il a deux, trois séquelles, quoi. Ah, mais c'est peut-être ça qui l'a secoué au fur et à mesure. À force de mourir, tu deviens de plus en plus con. T'sais. Là, il se fait bannir, hein, le pauvre. Hein. Bah ouais, forcément, ouais. C'est l'heure du diable. Hein. Bah là, mec, tu ressuscites à cette époque-là, c'est le bannissement direct. Hein. Ouais, bon. Et du coup, il y a Sean Connery. Bah attends, il y a un petit, une petite ellipse temporelle, parce qu'on se retrouve 5 ans plus tard. Il décide de se barrer. Ouais. Non, mais il décide de le. Enfin, il lui met une espèce de croix dans le dos, en fait, à un moment donné. Et puis, ça me rappelle un truc, tiens. Et du coup, il arrive quand même à se barrer en courant avec cette poutre dans le dos. Mec, c'est un Highlander. Bah, facile quand t'es immortel. Ah, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. Ah, bah non, ça va alors. Là, il y a certaines questions, je peux répondre. Et donc, on est 5 ans plus tard, et ouais. Là, il a refait sa vie, le gars est au top. Là, c'est Torgal. C'est Torgal. Il a une petite nana, un petit château, il est pépère. Il a des dreads d'ailleurs, je me suis fait gaffe. Ouais. Il a des couettes. Ouais, il a des couettes, des tresses. Ouais, des tresses. Il a une petite scène. Il a une tresse indienne, il a déjà découvert. Mais là, dans tout le passé, il est très très heureux, il rigole sans cesse. Bah, il se tape sa meuf dans la prairie, là. Enfin, vraiment, c'est une scène de bonheur. Ouais. Et là, il y a qui c'est qui arrive ? Juan Fanfet. C'est Ramirez. Est-ce que je peux faire mon petit point pourquoi ? Vas-y. Parce qu'en fait, il arrive et il va lui expliquer quelques trucs. Mais en fait, toutes les questions qu'on se pose, il va pas y répondre. Alors, pourquoi il y a des immortels ? Lui dit, bah, je sais pas, t'es né différent, il y en a qui sont nés immortels. Pourquoi est-ce qu'ils apparaissent en Écosse ? Pourquoi est-ce qu'ils sont tous en Écosse ? On n'a pas de réponse. Bah non, parce que je ne connais pas l'égyptien et l'espagnol. Ouais, c'est vrai. Et l'autre, il dit. Non, mais pose pas des pourquoi si t'as vu le film à 2000 à l'heure. Alors, hein, le gros pourquoi ? Pourquoi il ne doit en rester qu'un ? Bon, ça, il y a zéro explication. Pourquoi ils peuvent pas vivre ensemble ? Ils pourraient faire une communauté, je ne sais pas. Pourquoi ils vont tous aux USA après avec leurs épées ? Pourquoi est-ce qu'ils perdent leur accent après ? Mais surtout, tu sais, tu peux découper la tête d'un gars avec une tronçonneuse, avec une scie sauteuse. Enfin, t'es pas obligé d'avoir une épée et surtout un truc bien nul qui pèse 2000 kilos, quoi. C'est pas si pratique que ça, une scie sauteuse. Hein. Ah merde, t'es trop loin de la prise. Et là, surtout, le gros pourquoi, c'est pourquoi est-ce que Sean Connery va aider machin, parce qu'il le connaît pas, quoi. Ouais. Pourquoi il vient d'Égypte, d'Espagne, il fait putain, je suis venu dans les Highlands juste cheval, pour hein. toi, et je vais t'aider, mon gars, je vais t'apprendre à te battre à l'épée. Surtout, sachant que s'il ne doit en rester qu'un, potentiellement, on est ennemis. Ben oui. Donc en fait, le premier truc que je fais, c'est que je fais semblant de t'aider, puis je te coupe la tête. Ouais. Bah, c'est clair. Ouais. Bon, après, il y a la scène de la barque. Donc là, parce que du coup, il est dubitatif quand même. Il est un peu bébête, Christophe, qui comprend pas bien ce qui se passe. Ils sont dans la barque, il dit je sais pas nager, et il le fait tomber dans l'eau. C'est mieux là ton rire de. Ouais, c'est pas top encore. Enfin, et là, instantanément, Christophe Lambert, qui a été lesté au plomb, marche sous l'eau. Ouais. C'est quand t'es immortel, tu flottes pas, il n'est pas question de nager. Hein. Tu marches sous l'eau, t'as les bottes de plomb. Non, il sait pas nager. Il sait pas nager. Ouais, mais bon, quand tu sais pas nager, tu coules instantanément au fond de l'eau. Bah ouais. Je suis pas sûr, hein. Bah, si tes poumons sont remplis d'eau, oui, tu coules instantanément au fond. On fera le test. Je sais pas si tu connais quelqu'un, si tu connais quelqu'un qui sait pas nager, on peut toujours essayer. Là, moi, il y a un truc qui m'a bien fait marrer, c'est que quand il est sous l'eau, tu sais, il parle, et là, ils ont mis l'effet le plus pourri. L'effet audio. Ah oui, putain, j'aurais dû le préparer parce qu'il est vraiment nul. Mais oui, c'est une voix robot, ça. Ils ont mis un écho, un espèce de chorus qui fait. C'est quoi ? C'est censé être le son de l'eau, en fait, tu sais pas pourquoi. C'était bien, bien nul. Donc il sort de l'eau, Sean Connery, il a fait un petit feu. Ouais, il a aussi posé une tente et puis il a lavé ses chaussettes. Il a eu le temps de faire tout ça. Et alors là commence le montage. Parce que là, il y en a toujours un dans les films, le montage entraînement. Donc là, c'est push it to the limit. Ouais. Bah là, c'est Tortue Géniale et sans Goku, quoi. Bah non, mais c'est genre, vas-y, je vais mais t'apprendre. C'est Rocky, ils vont courir sur la plage. Ouais, c'est surtout, je vais t'apprendre à danser en deux heures, quoi, tu vois. De toute façon, dans tous les films qu'on fait, il y a des montages, mais. Mais là, c'est tout. Et sauf que pas. Dans d'ailleurs, à l'origine, en fait, ils avaient envoyé Patrick Swayze pour lui apprendre à danser. Il y a la scène où il le porte dans le lac. Sauf que là, il le porte pas, il le pousse dans le lac. Mais là, pareil, il y a un truc dans tous les montages, tu sais, c'est un code du montage au cinéma. T'es nul au début, t'es moyen au milieu, t'es fort à la fin. Là, il est nul au début, il est nul au milieu, et même à la fin, il est nul. C'est juste Sean Connery qui devient encore plus nul que lui. Non, sauf qu'en fait, le maîtrise. On a l'impression qu'il est meilleur parce que Sean Connery lui dit regarde quel fin lame tu es, voilà, quel fin lame tu es devenu. Alors que en fait, le mec, ça fait 3 mois qu'il s'entraîne. Genre, ah bah oui, c'est vrai, maintenant je suis devenu bon, quoi. Et donc là, il y a petit. Sean Connery flippe un peu parce que tu sais, il le met en joue, enfin, il lui met le couteau sous la gorge, hein, comme on dit, n'est-ce pas. Et là, il se dit, oula, ça se trouve, il va me planter. Et là, en fait, on se rend compte que Christophe, en fait, il est sympa parce qu'il lui dit, viens, mon ami. Mon frère. Du coup, confiance, ouais, confiance. Frère, ouais. Et à la fin, il y a cette confiance, scène. J'ai envie de dire, pourquoi il y a cette scène où ils courent tous les deux au ralenti, ouais, avec des gueules. Oui. Je pense que le réalisateur, il a fait... mais Sean, reviens. Je trouve que tu souris pas assez. Essaye de faire le sourire de Christophe. Voilà. C'est... Et à la fin, ils courent, mais comme débiles. On dirait deux mômes, tu sais, c'est genre la scène d'amusement. Regarde comme on est complice. On court et on va sauter dans l'eau. Avec le cerf. Tu sens le cerf. Sans le cerf. Je sens le cerf. Ah, tu sais, c'est un truc pour combattre le Down syndrome. Tu sais, à la fin du film, il arrive enfin à courir et à retrouver sa vie, quoi. J'avais un peu l'impression qu'ils allaient se faire un petit bisou après, quoi. Alors là, tout va bien, sauf que. Bah, moi, ça m'a ému, cette scène. Sauf qu'il y a un petit dîner tranquille au Moulin, un soir. Un soir. D'ailleurs, Christophe, il est pas là. Bah, Christophe, il est à son séminaire sur les Highlanders. Et Sean Connery qui est tout seul avec... Je crois qu'il est parti chez le coiffeur. Avec Hersey, là, ou je sais pas quoi. Et là, il y a Coogan qui arrive. Kirikou, ça marche aussi. C'est un cas. Et il arrive Chevalier Noir. Et là, ils vont se battre, quoi. Bah, attends. Il arrive, le gars, pour montrer qu'il est ultra vénère, il saute... avec un méga cri et il défonce la table, quoi. Donc déjà tu sais qu'il vient pas là pour enchaîner des perles. Son seul et unique objectif est de couper la tête de Sean Connery. Donc tous ses mouvements doivent être orientés pour couper la tête. Il va faire un paquet de trucs qui ne servent à rien. Ou sinon tu peux lui planter la jambe et après lui couper la tête tranquillement. Ouais. Non, ils vont tous se taper dessus comme des débiles à se marteler la gueule à l'épée, quoi. Ça n'a aucun sens. Après il monte dans les tours en plus. Après il monte dans les tours. Donc il monte dans les tours, et non seulement il monte dans la tour, mais en plus il désingue la tour. Il a désingué la table et la tour. C'est pas un mec le préfabriqué, ça. Je sais pas. Bon, y a deux choses qui m'ont marqué dans cette scène. C'est qu'au moment où ils sont en train de bouffer, pour montrer que le méchant il arrive, avant qu'il claque la porte, genre on a un mauvais pressentiment, Sean Connery regarde le plafond, le moulin il est fermé, hein, parce que sinon c'est pas très agréable. Et là, oui, t'as 65 pigeons qui sont là-haut, tu vois. Ça doit être vraiment relou pour vivre, hein, parce qu'ils doivent te chier dessus constamment. C'est un MLM, un moulin loyer modéré. Et après, je vais te remarquer, dès qu'ils mettent des coups d'épée, ça fait des étincelles. À un moment, il y a un plan, je te promets, il met un coup d'épée dans une pierre. Ouais. Ça fait un fumigène du Parc des Princes. Ça fait une espèce de torche rouge, pas possible. Et donc après, ouais, tout, la tour s'écroule, sauf l'escalier qui avait été fait quand même sur des fondations correctes. Ouais, ouais. Sans doute le précédent propriétaire. Et là, ça va arriver, hein. Ce que j'avais pas dit avant aussi, c'est que non, je reviens juste une fois vite fait en avant, c'est que... Tu reviens sur le match de catch. Sean Connery, quand il raconte un peu son histoire, il dit qu'il est né il y a 2400 ans. Oui. Oui. Et c'est-à-dire que les immortels continuent à naître. C'est-à-dire qu'ils sont pas tous nés en même temps. Pourquoi est-ce que ça continue à naître dans les générations? S'il faut qu'il en reste qu'un, ça va être compliqué, quoi. Surtout s'il en est tout le temps, quoi. Et il dit aussi, le Krugen survit, les mortels vont vivre un enfer, ça. Ouais. Sauf que là, le Krugen, il est à New York, il fait chier personne, quoi, en fait. Bon, il tue deux, trois personnes, mais enfin bon... Il est pas très sympathique, quand même. Ouais, mais bon, il a pas servi toute la population. Non, mais c'est vrai, on va revenir à la fin sur le pouvoir que ça procure, mais c'est vrai... En fait, il gagne un prix, mais c'est ça, il parle de prix. Ouais. Ah oui, mais pourquoi? C'est un séjour pour deux personnes à Center Park. Avec un arbre illustré. Mais pourquoi? Félicitations Cramu, vous avez gagné un séjour de deux personnes. Un guide des vins de la Loire. Après, j'accélère. Alors, c'est plus tard dans le film, mais je voudrais clore le chapitre 1536. Ouais. Avec la fameuse scène Benjamin Burton, parce qu'en fait, du coup, sa meuf, elle va vieillir. Ah oui. Ouais. Mais oui. Pas lui. Donc, il est sur son lit de mort. Sa meuf, qui a deux visages, 26 ans comme au début, avec une perruque blanche. Ouais, elle n'est pas du tout vieillie. Il reste un fond de talc sur le plateau, donc du coup, il l'a utilisé. Ils se sont vraiment pas fait chier. Ouais. Et puis voilà, elle meurt, il est triste. Donc là, on comprend qu'à partir de ce moment-là, il ne veut plus s'attacher à personne. Et c'est pour ça que. Bah, il s'attache plus à personne, n'empêche qu'il a quand même 7573 filles, toute sa vie, quoi. Parce que la nana qui est dans son bureau, là, dans sa brocante. Rachel, dans son vide-grenier. Dans son vide-grenier. Rachel, on va y venir à Rachel, justement. On va voilà, donc on comprend quand même que c'est sa nana, quoi, finalement. Bah non, pas du tout. Ah bon? pas du tout. Non, justement. Si, je crois que c'est un peu ça. Pour moi, c'est un peu la relation qu'il y a entre le Alfred et entre Mystique. Ouais, c'était sa meuf. Entre Mystique et le professeur Xavier, tu vois, ils sont pas ensemble et ils sont rencontrés étant enfants et il y en a un qui a aidé l'autre. Mm. Ouais, c'est ça. Ah, parce que t'as un flashback juste après où t'as Christophe qui est dans une guerre mondiale. On sait pas si c'est la première ou la deuxième. Si c'est la deuxième, parce que t'as juste l'homme le plus SS de la planète. Ouais, il a tout, ses limites, il a pas un monocle. Et, on sait pas si c'est la deuxième guerre mondiale ou la guerre de 100 ans. Bah non, mais je savais que c'était une guerre mondiale, mais j'avoue que. Et voyons, voilà. Moi je m'attendais vraiment à voir Cricrou là en Asie là, à ce moment-là. Cricrou en Asie. Il était même pas là en Asie. Bon, c'est clair qu'il était nazi à cette époque-là. Mais non, mais lui il l'attendait déjà à New York. Hein. Ouais, ouais. D'ailleurs, vous avez vu, vous connaissez cet acteur? C'est Gianluigi Buffon, le gardien de la Juventus. Tu vois, il ressemble un peu. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a fait ce mec? Qu'est-ce qu'il a fait d'ailleurs le réalisateur de Highlander? Je sais pas. Ben, en fait, c'est Julie qui s'occupe de tout ces trucs-là. Nous, on s'en fout en fait. Et du coup, alors après, retour dans le temps, dans le temps présent. Et donc, elle l'a invité à dîner. Et donc, tu découvres déjà l'appartement musée hein, de la médecin légiste de la police, qui a quand même, pareil, un paquet d'œuvres d'art. Mmh. Avant de manger, ils vont s'envoyer deux bons ballons de brandy encore. Je pense qu'elle est alcoolo, hein, Linda. Hein, oui, c'est possible. Et lui, il lui sert un brandy, une bouteille comme ça. 1783. Elle tilte pas. Hein, fait pas. Putain, c'est 200 ans quand même. Surtout que moi, j'ai trouvé ça un peu facile pour un immortel, un mec qui a vécu 500 ans, de se la péter. Genre, il sort toutes les dates, ah, c'est une bonne année, machin. Et d'ailleurs, à un moment, il dit ah, c'est l'année. La meuf, elle est censée être un peu connaître un peu l'histoire, vu qu'elle est antiquaire. Mais elle lui dit, il lui dit ouais, c'est l'année de la dépendance des États-Unis. Elle dit, ah oui, c'est vrai. Bah, attends, tu sors d'où? C'est ton pays et tout, quoi, t'as pas tilté, quoi. Ah non, fallait y être hein, pour le savoir. Tu mais t'imagines sa cave? À Christophe Lambert, s'il garde 10 bouteilles de chaque année. Bah, surtout qu'il peut picoler, il va pas crever. Donc parce que je reproche, moi, ce que je reproche, c'est à Cracou de pas avoir la même cave, quoi. Parce que lui, en plus, il est là depuis moins 1000 avant Jésus-Christ, quoi. Lui, il doit avoir des brandis, mon pote, ouais, 3000 ans, quoi. On sait pas en quelle année il est né, lui, d'ailleurs. Bah, lui, on sait pas. Lui, ça reste un mystère. Ouais. Et en fait, donc là, on apprend qu'elle veut juste l'épée, qu'elle essaye pas de le piéger. C'est juste une épée mania qu'elle a, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, on peut dire ça comme ça. Mmh. Et après, on va voir mon personnage préféré de ce film, qui est le Black. Il va retrouver, on ne sait pas, alors là il y a un énorme pourquoi. Il va retrouver le Black à Central Park. Un immortel aussi. Et alors là, c'est pas pour se couper la tête. Là, on est potes avec le Black. Ouais. Bah, il picole d'ailleurs du brandy ou je sais pas quoi. Et surtout, là, là pour le coup, j'ai éclaté de rire parce qu'il fait ah là là, on va picoler. Oh là là, dis donc, cette eau de vie, tu te souviens à notre dernière rencontre, qu'est-ce qu'on était sous. C'était en 1783. Alors là, flashback, on est dans comment c'est Barton Fink là, non Barry Lyndon. On est dans Barry Lyndon. Ouais. C'est un peu le moment humour du film. Il n'y a jamais eu un seul black dans cette scène. J'ai fait, il est où? C'est censé être un souvenir vrai. Commun. Ah, tu te souviens quand on était tous les deux en 1783? Ah bah non, t'étais pas là. Pas là. J'aimerais trop que ça revienne dans le temps présent et Christophe Lambert, il est tout seul. Et là, il y a un duel d'épée, c'est l'anthologie, ça fait vraiment partie des deux scènes inutiles du film avec la scène sur la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Bah, je pense que c'est inutile. Hein? 50 scènes. Non, tout le reste était essentiel. Bien sûr. Non, mais je pense que ça, c'était pour faire des screenshots pour mettre sur le, tu sais, sur le back sur la jaquette de la VHS. Derrière. Tu sais, tu regardes et tu. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai regardé vite fait le Wikipédia de ce film avant de le regarder. Il disait que, en fait, c'est un film qui a assez peu marché au cinéma et qui a vachement bien marché en cassette. Ouais. C'est un film VHS. Non, mais c'est un téléfilm pour M6, quoi. Non mais la série est il a dû passer hein, sur M6 à mon avis. Oh c'est pas possible. Bah, il a la série, ils ont dû nous l'envoyer quoi. Ensuite le méchant passe à l'attaque, c'est le duel avec le Black. Parce que le Black donc du coup on l'a vu, comme il va se faire tuer, il fallait bien l'introduire. Oui. C'est quand même vraiment pas de bol hein, ils sont pas vus depuis 300 ans, il se fait tuer le lendemain. Tu vois. Surtout qu'en plus ils ont que ça à faire se voir pendant les 300 ans là tu vois, mais non ils se retrouvent pas. Et comment ils se ils font de leur vie, ils doivent se faire trop chier. Enfin c'est simple, c'est soit tu règles ton problème et t'essayes de tuer tous les autres mecs en les décapitant. T'imagines, soit tu vas à l'autre bout du monde et tu restes isolé ou j'en sais rien. Non mais non seulement il se fait trop chier, mais lui ça fait 500 ans qu'il traîne une peine de cœur parce qu'avant il était heureux, mais depuis que sa femme est morte il fait la gueule hein, donc ça va quand même être durant quoi. Il met des cierges encore hein. Oui c'est vrai. Donc là le black il va se faire couper la tête dans les rues de New York. Ouais. Pas grand chose à dire. Hein. Ouais. Bah, si, à part qu'il y a un redneck qui a juste l'arsenal d'une armée entière dans le coffre de sa bagnole et qui va tirer. Ouais. Au M4. Ah oui, oui, d'accord, oui, oui. Puis qui se fait tuer. Enfin, qui se fait tuer. Non, mais pas en fait. Si. Putain, je crois que je dormais à ce moment-là. Alors là, par contre, là, ce qui se passe quand tu décapites un noir, bah, ça fait exploser des bouches d'égout. Bah oui, bien sûr. Il se passe, mais vraiment n'importe quoi. T'as l'impression qu'il y a des tortues ninja qui vont sortir, en fait. Non, mais ce film, en fait, il faut le dire, ce film, c'est n'importe quoi. Oui, c'est n'importe quoi. Déjà là, je me dis, putain, mais c'est ça qui est drôle. Mais en fait, tu peux enlever aléatoirement n'importe quelle scène, ça ne change rien. Tu peux même changer l'ordre, ça ne change rien. Passe. Mais il est inintéressant et en fait c'est un film, mais pourquoi ils l'ont fait quoi? aucun intérêt. Bah c'est juste trois combats d'épée et le leitmotiv c'est genre il ne doit en rester qu'un, du coup bah les mecs vont se tuer quoi. Alors il faut qu'on avance. Alors ouais, à mon avis il ne doit en rester qu'un qui est, mais c'est moi du coup. Probablement. Moi franchement depuis le début je me doutais que ça allait être Christophe Lambert, hein. Moi je sais pas vous mais... Ouais, non. Ah, moi j'avais parié sur le black, dès que j'ai vu le black, non, c'est lui. Il arrive au bout d'une heure. Et du coup, alors, ça m'a fait hurler de rire. C'est vraiment ces 2-3 minutes dans le film. Elle décide de mener l'enquête sur Christophe Lambert parce qu'elle le trouve louche. Mmh. Donc ouais. elle fait, quand est-ce qu'il est né John Nash? En 1945, à Syracuse. Ok. La scène d'après, elle va voir un médecin. Elle fait, vous vous souvenez d'un John Nash? Ah ouais, je m'en souviens très bien. C'était en 1945. Putain, mais mec, c'était il y a 50 ans. En fait. Et non, le gars, c'était un immortel aussi. Il dit que la mère était une fille mère et qu'aujourd'hui, à l'époque, ça n'existait pas. Mais surtout, il s'en souvient hyper bien. Ouais, Mais il est mort-né. Du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va à la bibliothèque, elle regarde dans un ordinateur, il compare des signatures à l'ordinateur. Il est puissant l'ordi pour 86 ans. Ça compare des lettres de signature avec d'autres signatures d'avant. Et là, le gars, il la regarde et il fait. Cet homme est âgé de 5 siècles, ça ne fait l'ombre d'un doute. Ah bon, bah, tu vois, le mec compare des signatures, et bah, c'est bon, c'est qu'il est immortel. Pour moi, c'est la seule explication. C'est pas du tout un mec qui a grugé le fisc pour acheter une maison. Tu vois. Ouais, moi, je me suis quand même demandé quels étaient les bails, parce que le gars qui se fait planter par le Kruger, eh ben, il est pas mort en fait. Et du coup, il doit faire un portrait robot quoi. Et c'est le seul moment où. Non, oui, il est pas mort, effectivement. Enfin, il s'est quand même fait planter 3 fois quoi. Non, mais surtout, il se fait planter à l'épée et Kruger le soulève avec son épée. Donc je pense que ça doit quand même faire vraiment mal au bide. Hein. Ouais, tu dois avoir des petites remontées gastriques après. Ouais, Kruger qui probablement allait voir le meilleur chirurgien de New York parce qu'il lui a mis des épingles à nourrice sur sa blessure parce qu'il se fait trancher la gorge à moitié par John Connery. Par le Black. Il lui a mis du barbelé à l'avant, tu vois. Et du coup, là, il y a confrontation dans l'église, dans la maison de Dieu. Ouais, on comprend pas pourquoi est-ce qu'ils se battent pas tout de suite, en fait, alors qu'ils sont ensemble. Ah, moi, j'ai écrit un pourquoi j'ai écrit pourquoi ils règlent leur bail en 1986, quoi. Ouais. C'est-à-dire, pourquoi ils le font maintenant? Pourquoi ils l'ont pas fait avant, quoi? Ouais, pourquoi? Il était au Kraken, là. Et surtout, là, on voit quand même qu'il a un look avec ses barbelés, ses machins, Ah, il est rasé d'ailleurs. C'est bad skin quoi. C'est brûlé les cheveux même. Oui, c'est un blonde dragon le gars quoi. C'est un gros faf. Et là Christophe Lambert il va retrouver Brenda. Ouais. C'est une petite histoire d'amour quand même. Et là il va lui avouer tout. Oui. Bah alors pourquoi en fait? Pourquoi est-ce qu'il pas pourquoi il aime bien tout quoi? Parce qu'il l'aime bien. Attends, il lui a déjà avoué avant parce qu'ils ont quand même niqué. Non, quand t'avoues qu'il est immortel, tu baises avec la fille. Ils sont paniqués, non? Bien sûr. C'est juste avant le dîner. En fait, c'est juste avant, elle lui dit. Au moment du dîner. Non, en fait, les seules scènes d'amour, c'est avec sa meuf de l'époque, d'il y a 4 siècles. Non, si. Il y en a une dans le temps présent. Avec la médecin légiste. Bon, t'as vu quel film, c'est pas vrai, non? Et là, en fait, moi, ça m'a fait marrer parce qu'il lui fait. Ah, mais non, vous n'êtes pas immortel, c'est impossible et tout. Et là, il prend un pic à glace. Il se plante et après il baise. Je me dis, mais c'est Sharon Stone quoi. La meuf ça l'excite. Non, mais en fait, Sharon Stone, fallait qu'elle se mette avec Christophe Lambert, elle peut le planter tout le temps. Ça va être hyper pratique. Et là après, t'as le final. Bah là, Cracovie, il va capturer la fille. Malin. Et je sais pas si t'as remarqué, elle rentre chez elle, et lui il l'attend chez elle dans l'escalier, et il mange un mini magnum rose. Oui. J'ai pas tout compris ce truc. C'était une pomme d'amour, il est passé à la fête foraine juste avant. Non mais c'est ça en plus, t'as envie de dire, ces mecs ils sont immortels, tu vois, notre société, ils ont pas besoin de manger, elle évolue. Ouais, mais c'est pas parce que t'es immortel que t'as pas besoin de manger que tu peux pas te faire un petit plaisir de temps en temps. Il était à la foire. Dans des attractions et tout. Mettez une barbe à papa. Et là, on arrive chez elle, et alors instantanément, comme c'est une scène de capture un peu à la slasher, tu vois, chez elle, la moitié de l'éclairage est rouge. Ouais, il y a de la fumée. Je sais pas si t'as remarqué, potentiellement il est passé avant tout changé. Et après, il la capture et tout, et là encore, pourquoi il capture elle? Et pourquoi il capture pas Rachel, qui connaît depuis 70 ans et avec qui il a certainement beaucoup plus d'affinité, quoi? Moi, je répondrai pas, hein. Oui. Ne regarde pas comme ça, je peux pas te répondre. Et ensuite, pourquoi, alors là encore, pourquoi une reprise de New York, New York par The Queen, quoi? Eh ben, pourquoi pas? Parce que... C'était pas terrible, hein. Ouais. Et enfin, l'affrontement final. Pourquoi? Pourquoi affrontement final? Bah déjà, parce qu'il ne doit rester que ça, il doit rester qu'un. Bah déjà, il y a King Kong qui ramène du coup là, qui ramène la meuf et qui la met au-dessus d'un immeuble, qui la ligote. Ah ouais, alors c'est sur un toit, on comprend pas bien. Ouais, sur un toit, ouais. Moi, franchement, j'ai à peine regardé là, parce que je savais que... Et d'ailleurs, il attend Lambert. Ouais, c'est pour faire une Gérard Lambert. Gérard Lambert, c'est tout. Et non, mais. Comment il monte là-haut? Pourquoi? Bon, on ne sait pas. Ouais. Là, ça va être là, vraiment tout le budget du film. Ils font bon, il nous reste de la thune. Ouais, il nous en reste plein. Christophe en a pris moins que prévu. Là, il va y avoir des explosions, de l'électricité. Il y a un réservoir d'eau qui va s'effondrer. Ils vont se battre à moitié dans l'eau. Ensuite, le toit va s'effondrer. Mais seulement un petit trou qui ne va pas laisser passer l'eau, mais seulement eux deux. Oui, c'est vrai. Et ils vont se retrouver à l'étage d'en dessous. Et là, il va y avoir le duel à l'épée. Alors, comme ils sont immortels, si tu veux, ils chutent de 196 mètres. Mais en fait, c'est comme s'il sautait d'un saut, quoi. C'est, Et du coup, là, combat épais. Ouais, combat, et puis, ouais. Puis coupage de tête, quoi. Coupage de tête. Effet spécial. Alors là, quand tu tues le dernier, par contre, c'est un peu spécial. Hein. Parce que là, ça fait des dessins dans le ciel. Quoi. Non, mais on sentait que c'était le boss de fin, parce que ça a fait un Roger Rabbit en moche, quoi. Il y a des dessins animés de fantômes. Non, mais ça, c'était... Enfin, là, encore une fois, j'ai écrit pourquoi, final, hein. Pourquoi, en gros, quoi. Mais c'est vraiment... Ça n'a aucun sens, quoi. C'était le meilleur effet spécial qu'ils ont trouvé, genre oh, on va mettre des dessins de monstres qui tournoient et tout, quoi. Non, c'était vraiment chelou, quoi. Oui, c'était bizarre. Et alors là, heureusement que c'est pas Kristen qui a eu le pouvoir, parce que le pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir, c'est de lire dans les pensées de tout le monde, sans vraiment s'en servir trop. Voilà. Non, mais t'imagines l'enfer, quoi. Tu bouffes 10 boîtes de Doliprane par jour. C'est dans t'arrives à vivre à la campagne, quoi. Mais surtout, en fait. Bah, c'est pour ça qu'ils partent en Écosse après. Ils partent en Écosse. Non, mais attends, ils partent plus qu'en Écosse. Ils vont faire un pique-nique dans les montagnes de Savoie. Lui, il a un pull blanc, tu vois, sur ses épaules, machin. En fait, il est devenu de droite, quoi, avec ses pulls blancs. Mais d'ailleurs, on sait qu'il y a 3 Highlander. Moi, je regarderai pas le 2 ni le 3. Hein. Vous n'allez pas le voir. Enfin, c'est-à-dire que s'il y a un 2, c'est-à-dire qu'il y a, alors, il y a encore des méchants qui vont revenir. Bah oui, et c'est-à-dire que du coup, il n'y a pas vraiment le pouvoir. Ou alors, il y en a un qui va naître. Non, alors, ça lui enlève automatiquement. Pour moi, là, sur la fin, il dit que finalement, là, il peut vieillir. Ouais, il peut mourir. Ah oui, c'est ça. Là, c'est ça le prix, en fait, à gagner. Il peut vieillir. Ah, génial, tu peux mourir. Et vivre son amour à être. Du coup, à mon avis, tu vois, il doit mettre au monde un nouveau Highlander, quoi. Pour moi, le pull blanc, pour moi, le prix, c'était un pull blanc en cachemire. Et c'était un voyage en Écosse d'une semaine. Non, mais c'est débile parce que les gars, ils s'entretuent entre eux pour avoir le droit de mourir. Ça n'a aucun sens, tu vois. Autant rester bon. Attends, ça doit être loin. Quand tu vis 4000 ans. Mais de toute façon, tu peux mettre fin à ça à tout moment, et tu suffit de te couper la tête. Bon, je pense que c'est difficile à faire, mais tu peux quand même trouver un moyen. Hein. Ouais, une petite guillotine. Ouais. Alors, pour parler du... Ouais, du... Tu vas faire carton à la Révolution, et on va te couper la tête, mec. Hein. Bah ouais. Ah non, mais tu peux pas, c'est pas Time Cop, hein, tu peux pas remonter le temps. Hein. Tu confonds. Hein. Mais en fait, pour parler du 2 et du 3, c'est marrant parce que pour avoir fait les commentaires Amazon, d'ailleurs, que je vais dire tout à l'heure, les gens qui sont fans du premier Highlander détestent le 2 et le 3, donc je sais pas ce que ça donne. Hein. Ouais, je comprends. Hein. Ah ouais, ouais. La plupart du temps, c'est peut-être qu'il est bien fait, du coup, c'est pour ça qu'il n'aime pas. Tu regarderas, Michael, tu nous diras. J'hésite. Bon, globalement, une conclusion. Bah pourquoi? Pourquoi moi aussi, pourquoi, voilà. Ouais, mais moi j'ai pas passé un si mauvais moment que ça. Moi, je suis un peu pris au jeu. Bon, bah, la question, on en a regardé des films de merde, mais alors celui-là, franchement, c'était coton, quoi. C'était notre avis sur le film, c'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion, n'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Alors, commentaire 5 étoiles, exclusivement 5 étoiles, Allociné Amazon. On a Blind Thesis qui nous dit, oui, qui doit être brocanteur d'ailleurs, parce qu'il nous dit, j'aime ce film, 3 petits points, essentiellement pour ses antiquités. En plus, on voit que dalle, c'est complètement sous-exploité. Oui. Il y a Lilius qui nous dit, quel film, mais quel film! Histoire originale, rythme endiablé, acteur excellent, décor de toute beauté, musique de Queen collant parfaitement aux scènes, etc., etc., etc. À voir et à revoir. Seul le premier volet vaut le coup, c'est ce que je disais. Ouais. Les autres sont des bouses. Ensuite, il y a Fab d'ici, j'ai 5 commentaires en tout, hein, je le précise. Fab d'ici qui lui dit, il commence évidemment par, il ne peut en rester qu'un. Et c'est celui-là, le seul, l'unique, le vrai, avec un vrai scénario, un vrai Christophe, un vrai Sean et un vrai Kourgan. Kourgan. Tu sais, il donne le nom des acteurs et après il donne le nom du méchant. Tu sais. Des dialogues inspirés, un montage novateur et une bande son couillue de la guitare électrique. En fond sonore d'une scène médiévale, fallait oser, mais ça marche trop bien. Il n'a pas calculé que c'était Queen, quoi. C'est genre de la guitare électrique. Bon, des combats à l'épée pas top, mais on s'en fout. Je suis content qu'il l'avait admis au moins. Oui. Ensuite, il y a Tristan Stelitano qui nous dit « Un film culte, muni d'une histoire prenante, avec des acteurs éblouissants tels que Christophe Lambert et Sean Connery, qui a fait beaucoup de bruit. Être immortel, c'est super. Mais à quel prix ? Ce n'est pas une mince affaire. On a beau être immortel, mais les êtres qui nous sont chers meurent et vieillissent. Mais les êtres immortels. Elle a dû pleurer. Être immortel, c'est être maudit pour l'éternité. Mais heureusement qu'il existe le moyen d'abréger tes souffrances, il faut te trancher la tête. Ah bah voilà. Ah bah voilà. On arrive à la même conclusion. Et enfin, on a Gauthier pour un théophile. Alors il y a toujours, tu sais, un. Il y a toujours un commentaire philosophique. Alors lui, il a réussi à philosopher sur Highlander, c'est quand même assez fort. C'est parfait. Il nous dit « Depuis que le monde est monde, l'espèce humaine aspire à la vie éternelle ou à une jeunesse sans date de péremption. Ce n'est ni une invention moderne, ni le dernier caprice de la mode. D'une certaine façon, l'attrait de l'immortalité tient au caractère limitatif de son envers, la mortalité. » Et il finit « Et allez savoir pourquoi, celui qui se hisse au-dessus de ses semblables en refusant de se plier aux dictats de la nature finit par être marginalisé ou élevé à la catégorie de monstre. Un très beau film, avec un épilogue tellement humain. Voilà. Ouais, mais lui, il a fait sa thèse sur Highlander. Voilà, c'était notre avis sur Highlander. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Terminator 3. Ouais. Rise of the Machine. Ouais, parce qu'on a fait le petit chapeau en avance. Exactement. Allez, juste avant d'enregistrer. À la semaine prochaine. Let's go.